السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكون تيغيفي أباب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المصنف رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لوتر كي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يدي شابيتر دو سكي تي رابورتي او سوجي دي فورمول دو كونجوراسيون اي دي زامولات. Al-Ruqa wa al-Tama'im. Il dit, et dans l'authentique, d'après Abu Bashir, Al-Ansari, car à l'agré, qu'il était avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'un de ses voyages, et il, sallallahu alayhi wa sallam, envoya un messager ordonnant qu'il ne reste certes plus autour du cou des chameaux, de colliers de cordes d'arc, ou de colliers en général, sans qu'il ne soit coupé. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, numéro 3005, et Muslim, numéro 2115, donc c'est un hadith qu'on appelle Muttafaqun Alayh, et pour Abu Daoud aussi, numéro 2552. Et on a déjà dit que des fois, l'imam Cheikh Al-Islam Mohammed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit fi sahih, alors que ça peut être l'un ou l'autre, ou que ça peut être dans les deux authentiques. C'est ce qu'il va dire Cheikh Al-Fawzan dans un instant, inshallah ta'ala. On a là-dessus le charh de l'allama Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala, et il dit « Munasabatul babi li kitabi al-tawhid, annahu istimrarun fi dhikri al-ashiai illati takhillu bi'aqidati ou tukhillu bi'aqidati al-tawhid min al-ruqa wa al-tamaim al-shirkiya. » Le premier point que Cheikh Al-Fawzan rapporte, hafidahullahu ta'ala, il dit, c'est le rapport entre le chapitre, quel chapitre ?« Bab, ma ja'a fi al-ruqa wa al-tamaim » et le livre de l'unicité. Quel est le caractère opportun, si vous voulez, comme on a déjà dit, entre ce chapitre et le livre de l'unicité dans lequel se trouve ce chapitre? Eh bien, le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que c'est une continuation dans la citation des choses qui portent atteinte à la croyance de l'unicité en termes de formule de conjuration, al-ruqa, et d'amulet, al-tama'im, qui sont du ressort de l'association. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها. Ce qui était rapporté au sujet des formules de conjuration et des amulettes. C'est-à-dire qu'il commence à expliquer les termes un par un. حفظه الله تعالى, il dit, ce qui était rapporté au sujet des formules de conjuration et des amulettes, الرقى et التمائم, c'est-à-dire ce qui était rapporté en termes d'interdiction quant à ce qui en est interdit. Et on va voir ça plus tard, inshallah. Fis sahih, ce qu'on a commencé en disant, fis sahih an Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu, il akhiri al-kalam, il akhiri al-hadith. On a dit dans l'authentique, c'est-à-dire dans les deux authentiques. Fis sahihain, c'est-à-dire al-Bukhari wa Muslim. D'après Abu Bashir, عن أبي بشير هو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين. D'après Abu Bashir, c'est qui Abu Bashir Al-Ansari رضي الله عنه وأرضاه, c'est un compagnon qui a participé à l'expédition de Al-Khandaq et qui est mort après 60. قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره. القلادة, قلادة, c'est un collier. Et c'est ce qui est accroché au cou du chameau ou autre. Watarun, wahidu awtar al-qaws. Aw al-qaws. Et c'est watarun, c'est le singulier d'awtar al-qaws, c'est-à-dire les cordes de l'arc. Aw qilada. Shakkun, c'est-à-dire aw par rapport aw qui veut dire ou en langue française. أو قلادة شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره. وتر c'est le singulier, on avait dit أو قلادة ou un collier. Qu'est-ce que veut dire le mot ou ici? À quoi ça fait référence? Bien, le cheikh il dit ici que c'est un doute du narrateur. Est-ce que le collier est restreint comme étant de corde, de l'arc entre parenthèses, comme étant de corde, ou absolu comme étant de la corde, de l'arc ou autre? Tout ça, on a dit, c'est une explication des terminologies utilisées dans le hadith. Après, le cheikh, il va faire une explication de ce hadith, inshallah. Et justement, il dit, al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Le sens général du hadith est, huwa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha fi ba'd asfarihi man yunadi fi an-nas bi izalati al-qala'id allati fi riqab al-ibil allati yurad biha daf' al-'ayn wa daf' al-afat li'anna dhalika min ash-shirk alladhi tajib izalatuhu. Quel est le sens donc général du hadith? Le hadith de qui? De Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu arda, rapporté dans les deux authentiques, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pendant l'un de ses voyages des gens pour appeler à retirer les cordes qui sont accrochées au cou des chameaux. Pourquoi elles sont accrochées, ces cordes, autour des chameaux? Eh bien, pour repousser le mauvais œil et repousser les fléaux, car cela fait partie de l'association qu'il est obligatoire de retirer. Maintenant, le rapport, on a vu précédemment le rapport entre le chapitre Bab Maja'afi. Eh ouais. C'est quoi le bab Maja'afir Ruqa wa Tama'im? On a vu le rapport entre le chapitre et Kitab al-Tawhid, l'unicité, les livres de l'unicité. Et maintenant, on voit le rapport entre ce hadith d'Abu Bashir, l'Ansari, dans les deux authentiques, qui a été rapporté, par rapport au chapitre dans lequel il a été rapporté. Quel est le rapport entre ce hadith et le chapitre? Eh bien, il dit le rapport entre le hadith et le chapitre, c'est qu'il indique qu'accrocher au chameau ou autre des colliers, et ce qui en a le sens, c'est-à-dire ce qui a le sens de collier, pour repousser les fléaux est illicite et une association, car cela fait partie d'accrocher les amulettes illicites. Le cheikh, il dit باب مناسب الحديث للباب من حيث انه يدل على ان تقليد الابل ونحوها الاوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك لأنه من تعليق التمائم المحرمة. Je répète cette phrase ici, elle est importante. Le rapport entre le hadith et le chapitre, c'est qu'il indique qu'accrocher au chameau ou autre des colliers et ce qui en a le sens pour repousser les fléaux est illicite et est une association, car cela fait partie d'accrocher les amulettes illicites. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith, ما يستفاد من الحديث. أولا أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم. Premier point, premier bénéfice qu'on tire de ce hadith, le fait d'accrocher des colliers afin de repousser les fléaux ou les maux à le jugement des amulettes en termes d'interdiction. ثانيا, deuxièmement, izalatul munkar, retirer ce qui est blâmable. Thalithan, tablighu an-nasi ma yasunu 'aqidatahum, transmettre aux gens ce qui protège leur croyance. Sana yasunu siyanatan, le fait de protéger, d'une protection. Et dit le cheikh, transmettre aux gens ce qui protège leur croyance. Toujours dans ce chapitre, ما جاء في الرقى والتمائم, dans Kitab al-Tawhid, après le hadith d'Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu arda, dans les deux authentiques, Cheikh al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il continue en disant: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك, رواه أحمد وأبو داود. Et puis en dessous, dans Al-Hamish ici, vous avez Akhraju Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibn Majah, wa Al-Hakim fil Mustadrak, wa Sahahahu, wa Wafaqahu Al-Dhahabi. Fa'ida, les frères, dans Adab Talib Ilm, c'est d'être proche de celui qui donne cours, sauf pour Ahl Al-A'dar qui ont des difficultés. et qui doivent se mettre contre les murs, etc., hein, qui ont des difficultés, qui ont des maladies, ou qui ont mal au dos, ou à la jambe, etc. Et une autre faïda que certains machines rapportent quand on se sent endormi ou somnolent, c'est de bouger. C'est de bouger, de changer de position pour se réveiller. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, qu'il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, les formules de conjuration et les amulettes et attiwala. Donc vous avez ici trois termes. Hein, c'est important de comprendre ça. Al-ruqa, al-tama'im, al-tiwala. Donc les formules de conjuration, al-ruqa, al-tama'im et les amulettes, al-tiwala, on va l'expliquer après c'est quoi al-tiwala, inshallah, sont de l'association. Donc al-ruqa, al-tama'im, al-tiwala sont de l'association. Et rappelez-vous ce hadith, et on va en parler après de ce hadith après, inshallah, dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Il est rapporté ce hadith par Ahmed et Abu Daoud et d'autres, comme on a dit, notamment Ibn Majah, Al-Hakim dans le Moussadrak, et qu'il a authentifié, qu'il a jugé authentique. Et Dhahabi Rahimahullah était d'accord avec lui. On a l'explication maintenant de Al-Allama Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Il dit Sayati Sharhu Mufradat Al-Hadith fi Kalam Al-Musannifi Rahimahullah. C'est-à-dire que Cheikh Al-Fawzan, il te dit que le mu'allif lui-même, le musannif lui-même, l'auteur de Kitab Tawhid, qui est Cheikh Al-Islam Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, dans le texte lui-même, il va t'expliquer ces termes. Et donc il te dit, les mots de vocabulaire sont expliqués plus loin dans la parole d'auteur, de l'auteur lui-même. Hein? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et puis le cheikh dit le معنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضر وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. Qu'est-ce que le cheikh dit? Il dit, حفظه الله, le sens général du hadith est que le messager d'Allah a informé du fait qu'utiliser ces choses afin de repousser le mal et d'obtenir le bien auprès d'autres qu'Allah est une association à Allah, car ne détient le repoussement du mal et l'obtention du bien qu'Allah, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Et le sens de cette information est l'interdiction de cet acte. Pourquoi il a dit information ici? Parce qu'il a dit, les formules de conjuration et les amulettes et tiwala sont l'association. Donc cette information, c'est une interdiction. Tu as compris ça? Puis le cheikh, il dit, مناسبه الحديث للباب ان في بيان ان استعمال هذه الاشياء المذكوره شرك يخل بالتوحيد. Ce que le cheikh dit par rapport au rapport entre le hadith et le chapitre, hadith rapporté par Ahmed Abu Daoud et d'autres, comme on a déjà dit, eh bien c'est qu'il y a dans ce hadith que l'utilisation des choses citées est une association qui porte atteinte à l'unicité. Ma yustafadu min al-hadith. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce hadith, de ce deuxième hadith par rapport à ce chapitre, bab ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im, chapitre de ce qui était rapporté concernant les formules de conjuration et les amulettes. Tama'im, pluriel de tamim. C'est, premièrement, awalan, al-hathu ala siyanati al-aqidati amma yukhillu biha wa in kana yata'atahu kathirun minan nas. Eh bien, c'est l'incitation à la protection de la croyance de ce qui lui porte atteinte. Et ce même si beaucoup de gens le pratiquent. ثانياً تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. Deuxième chose, eh bien, c'est l'interdiction ou le caractère illicite d'utiliser ces choses citées dans ce hadith. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui se pose la question, mais ruqya pourtant, hein? La question qui vient à l'esprit. On patiente, la réponse elle va arriver, inshallah, dans l'explication, la continuation du sharah de Cheikh Al-Fawzan. Ou peut-être que quelqu'un va se poser la question sur le fait d'accrocher des versets du Coran ou autre. Ça va être discuté, inshallah. D'accord? On a dit le caractère illicite d'utiliser ces choses citées dans ce hadith. Troisième point, Thalithan, أو الفائدة الثالثة أن هذه الثلاثة المذكورة شرك غير استثناء. Ces trois choses citées sont toutes de l'association sans aucune exception faite. Ensuite, Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, il continue et justement là il va définir les termes qu'il a utilisés par at-tama'im wa ar-ruqa wa at-tiwala. Et il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, at-tama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad min al-'ayn. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. Je traduis peut-être déjà cette première partie ou on traduit le tout peut-être aussi, c'est mieux peut-être le tout. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. في النود بات باج بارابور الرقى سبق بيان معناها في باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. الدوزيام بارابور الحمى سي لو ميم تعليق سي لا ميم انوتاسيون بات باج سي سبق بيان معناها في باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. كي تان دي شابيتر كون ا ديجا في بريسيدامون اي C'est dans le cours numéro 5 qu'on a fait en audio, en PDF sur notre site. Donc l'importance de suivre les cours depuis le début et de suivre Kitab Tawhid de chapitre en chapitre. Donc le cheikh il dit وَالتِّوَالَ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا والرجل الى امراته. Donc le cheikh il dit que cheikh l'islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, at-tama'im, les amulettes, ce sont des choses que l'on accroche aux enfants contre le mauvais œil. Mais si ce qui est accroché est du Coran, alors certains parmi les plus prédécesseurs l'ont permis. Mais d'autres, parmi les plus prédécesseurs, ne l'ont pas permis. Et l'ont considéré comme étant de l'ordre de ce qui est interdit. Et parmi eux, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda, qu'Allah l'agré. D'accord ? Ar-ruqa, les formules de conjuration. Et le sens en a déjà été clarifié dans le chapitre ayant pour titre « Quiconque concrétise l'unicité entrera au paradis sans jugement ». C'est le cours numéro 5, comme on a déjà dit. Et ces formules de conjuration, ce sont celles qui sont appelées al-azaim. Et la preuve, on a restreint ceux qui ont été exemptés d'association. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'un ruqa de manière générale, mais a été restreint de cette interdiction, ce qui est exempté d'association. De toute façon, ça, on va revenir là-dessus dans l'explication de Charles Fouazan, Charles. Le messager d'Allah l'a permis, sallallahu alayhi wa sallam, contre le mauvais œil et al-huma. Vous vous souvenez dans le hadith, من رأى منكم الكوكب الذي قد البارحة قال أنا ولم أكن في صلاة إنما لودغت. Ce que lui a dit, وماذا صنعت ارتقيت comme l'a dit Charles Ibn على وزن استرقيت etc. Vous vous souvenez de ce hadith ou pas? Ou plutôt de cette qissa, de ce récit. Donc il dit le cheikh ici et al-huma. Et le sens de l'huma a déjà été clarifié dans le chapitre ayant pour titre quiconque concrétise l'unicité entrera au paradis sans jugement. Et on va revenir là-dessus dans un instant aussi, Inch'Allah. Dernier terme, c'était Tama'im, Al-Ruqa, et puis maintenant Al-Tiwala. Al-Tiwala, c'est une chose qu'il fabriquait, prétendant que cela faisait que la femme soit aimée par son époux et que l'époux soit aimé par sa femme. On a l'explication du grand savant Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Il dit, yu'allaqu 'ala al-awlad. C'est-à-dire quoi? On a dit, kattama'im shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad min al-'ayn. Yu'allaqu 'ala al-awlad, ay bi'a'naq as-sibyan. Qu'on l'accroche aux enfants, c'est-à-dire au cou des enfants. Min al-'ayn, ay li daf' al-isabati bil-'ayn. Contre le mauvais œil, c'est-à-dire afin de repousser le fait d'être atteint par le mauvais œil. العزائم جمع عزيمة قيل هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض أو تكتب في صحن أو في صحن ونحوه وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض. العزائم c'est le pluriel de azima. Il est dit que ce sont des versets du Coran qui sont lus sur ceux qui ont des ahat. Ahat en arabe, c'est le pluriel de ahatun, qui est difformité, impotence, maladie, etc. Ou qui sont lus sur de l'eau qui est ensuite donnée à boire aux malades. Ou des versets du Coran qui sont écrits sur un plat, ou autre chose similaire, puis cette écriture est effacée avec de l'eau, ou autre chose similaire, qui est ensuite donnée à boire aux malades. C'est ça l'azaim. وَخَصَّ مِنْهَ أَيْ أَخْرَجَ مِنْ عُمُومِهِ. Et la preuve en a restreint, c'est-à-dire a fait sortir de sa généralité. الدليل وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ الدَّلِيلُ هو قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عينين أو حمى. C'est le hadith qu'on a déjà vu dans le cours numéro 5. كما سبق في بابي من حقق التوحيد. الدليل la preuve c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas de ruqya sauf pour un mauvais œil ou un venin. C'était comme ça qu'on avait traduit le mot venin, le mot huma, dans le cours précédent numéro 5. Comme nous avons précédemment vu dans le chapitre ayant pour titre quiconque concrétise l'unicité. ما خلا من الشرك أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما خلا من الشرك ce qui est en net exempté d'association, c'est-à-dire exempté de demande d'aide à autre qu'Allah, et donc que cela soit au moyen des noms d'Allah et de ses attributs et de ses versets et de ce qui est rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام. Pourquoi il a dit ça ici, que vous suivez bien? On a dit وَخَصَّ مِنُ الدَّلِيلُ مَا خَلَ مِنَ الشِّرْكِ وَخَصَّ مِنُ الدَّلِيلُ مَا خَلَ مِنَ الشِّرْكِ. C'est-à-dire que مَا خَلَ مِنَ الشِّرْكِ, c'est ce qui a été restreint du dalil, on est d'accord, par le dalil. وَخَصَّ مِنُ الدَّلِيلُ. Le dalil, qu'est-ce qu'il a restreint, il a sorti de la généralité de l'interdiction, et bien c'est ce qui est exempt d'association. Et donc c'est pour ça que le shir il a dit, c'est-à-dire exempté de demande d'aide à autre qu'Allah. Et donc cela soit au moyen des noms d'Allah et de ses attributs et de ses versets et de ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est restreint de la généralité de l'interdiction. Puis il dit le shir ici, وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي. Donc le cheikh ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire un sommaire, un résumé de ce qui a été dit précédemment. C'est important, ça. C'est, le talib ilm doit avoir cette capacité de synthèse et de se rappeler des synthèses et des sommaires et des résumés, c'est important. Il dit, voici en résumé ce que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit au sujet des jugements des choses citées. 1. Premièrement, أن الرقية تنقسم إلى قسمين, قسم مشروع وقسم ممنوع. فالمشروع ما خلا من الشرك والممنوع ما كان فيه شرك. Premier point à tirer en guise de résumé de ces jugements qu'on a cités précédemment, et bien c'est que la ruqya, les formules de conjuration, qu'on a cité au pluriel الرقى, se divisent en deux catégories. Une catégorie légiférée, qismun mashru', et une catégorie interdite, wa qismun mamnu'. Celle qui est légiférée est celle qui est exempte d'association, on a vu pourquoi, et celle qui est interdite est celle dans laquelle il y a de l'association. At-tama'im, ce qu'on a nous on a traduit par amulette. Anna at-tama'im tanqasimu ila qismayn. Qismun mamnu' بالإجماع وهو ما كان يجتمع على شرك وقسم مختلف فيه أو مختلف فيه وهو ما كان من القرآن قيل إنه جائز وقيل إنه ممنوع والصحيح أنه ممنوع سدا للذريعة وصيانة للقرآن. Donc on a dit que Ruqya, c'est deux catégories. On a vu ce qui est interdit, ce qui est légiféré. Les tamaïm aussi, c'est deux catégories. Les amulettes, elles se divisent en deux catégories. Une catégorie interdite avec consensus, selon le consensus, bil-ijma. Et c'est ce qui contient de l'association. Et une catégorie au sujet de laquelle il y a divergence, et c'est ce qui est des versets du Coran. On a dit tout à l'heure que peut-être que tu te poses la question, que tu te dis, eh bien, qu'est-ce qui concerne le fait de, par rapport au verset du Coran, qu'est-ce que, quel jugement de ça? Mais le cheikh, il te dit qu'il y a divergence à ce sujet, et il va te donner aussi la vie correcte, ce que lui voit la vie correcte. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, un grand savant et spécialiste dans l'aqida, il dit, et une catégorie au sujet de laquelle il y a divergence, et c'est ce qui est des versets du Coran, et il a été dit que c'est permis, ça c'est un avis, et il a été dit que c'est interdit, ça c'est un autre avis. Et la vie correcte est que c'est interdit afin de fermer la voie à ce qui est interdit. Ce qu'on appelle sadd al-dari'a. On appelle sadd al-dari'a, c'est une règle. On appelle qa'ida de sadd al-dari'a. C'est-à-dire le fait de, d'interdire quelque chose qui pourra amener à quelque chose d'interdit. Ou qui amène à quelque chose d'interdit. Et afin aussi de préserver le Coran. Wa siyanatan al-Qur'an, comme il a dit le shir. Troisième point, troisième bénéfice, at-tiwala. Donc, ruqya. Vous devez être capable de répondre, c'est quoi? Combien de catégories? Deux. Il y en a une qui est mashrou' à légiférer et une qui est mamnou'. D'accord. C'est quoi? Qu'est-ce qui est mashrou'? C'est ma khala min ash-shirk. C'est ce qui est exemple d'association. Et ce qui est mamnou'? Ma kana fi shirk. Ce en quoi il y a de l'association. D'accord. Ça, c'est réglé. Al-tama'im. Combien de catégories? Deux. Il y a une catégorie qui est quoi? Il y a une catégorie qui est interdite selon le consensus, et c'est quoi? C'est ce qu'on comprend du shirk, c'est ce qu'on comprend l'association, qui contient l'association. Et une catégorie où il y a divergence. C'est quoi les deux avis? Et c'est quoi d'abord la catégorie avant de dire les deux avis? C'est ce qui concerne les versets du Coran. D'accord? Alors ici, le premier avis, c'est que c'est jaiz, permis, et le deuxième avis, c'est que c'est interdit. Et qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan dit que c'est l'avis correct? Que c'est interdit, pourquoi? Il a cité deux raisons, ici, c'est-à-dire fermer la porte à ce qui pourrait être interdit, ce qui est interdit, c'est-à-dire que, comme il a dit ici, il a dit, nous on a traduit ça en disant quoi? Afin de fermer la voie à ce qui est interdit, et aussi, c'est un Coran, afin de préserver le Coran. Maintenant, on a التيوالا. ممنوع من غير خلاف. لأنها نوع من السحر. التيوالا, c'est interdit sans aucune divergence car c'est un genre de sorcellerie. Mais c'est quoi التيوالا? On l'a dit dans les lignes qui ont précédé. On a dit التيوالا, c'est une chose qu'il fabriquait prétendant que cela faisait que la femme soit aimée par son époux et que l'époux soit aimé par sa femme. C'est réglé ça? C'est bon? Alhamdulillah. Maintenant on continue. Et à quoi le Moussanifu Rahimahullah, ou quoi le Moussanifu Rahimahullah, ou an Abdillah ibn Ukaym, marfou'an, man ta'allaqa shay'an wukila ilayh, rawahu Ahmad wa Tirmidhi. L'auteur qui est Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab Rahimahullah ta'ala, il dit, et d'après Abdullah ibn Ukaym, qui attribue, c'est-à-dire Marfou, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, et il est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il attribue cette parole au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, quiconque s'attache à une chose, il y sera confié ou voué, ou qu'il est ilayh. Et ce hadith est rapporté par Ahmed dans le Musnad 4211 et At-Tirmidhi numéro 2073. On a l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit Abdullah ibn Ukaym wa yukanna bi ou yukanna wa yukna Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi adraka zaman al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la yu'rafu annahu sami'a minhu. Abdullah ibn Ukaym, il est surnommé Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. qui était au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, mais il n'est pas connu qu'il ait entendu de lui. Qu'il ait entendu du prophète, alayhi salatu wassalam. Marfou'an, qui attribue au prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que la parole est attribuée au prophète, alayhi salatu wassalam. Man ta'allaqa shay'an, on a dit marfou'an, ay lan nabi salatu wassalam, man ta'allaqa shay'an, ay, التفت قلبه عن الله الى شيء يعتقد انه ينفعه او يدفع عنه. Vous avez un sukun peut-être ici aussi dans votre édition. Donc il dit man ta'allaqa shay'an, c'est-à-dire que son cœur s'est détourné d'Allah vers une chose au sujet de laquelle il croit qu'elle va lui être bénéfique ou repousser un mal de lui. Man ta'allaqa shay'an. Wukila ilayh. أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه من دونه وخذله. وكل إليه, il sera confié, voué à cette chose, c'est-à-dire qu'Allah le confiera, vouera à cette chose à laquelle il s'est attaché en dehors de lui et le délaissera. L'abandonnera. Le sens général du hadith, le معنى الإجمالي للحديث. هذا حديث موجز أو وجيز عفوا, وجيز اللفظ عظيم الفائدة. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعا إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله كفاه ويسر له كل عسير, ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله. Le sens général du hadith. Ce hadith est court dans sa formulation mais immense dans son bénéfice. Et le prophète صلى الله عليه وسلم y informe que celui qui se détourne par son cœur ou son action, ou par les deux, ensemble, vers une chose en laquelle il espère qu'elle le bénéficie ou repousse un mal de lui, Allah le confie à cette chose à laquelle il s'est attaché. Et quiconque s'est attaché à Allah, il lui suffira et lui facilitera toute difficulté. Et quiconque s'attache à autre que lui, subhanah, Allah le confie à cet autre que lui et le délaisse, l'abandonne. Ça doit vous... ramener à l'esprit une règle qui est connue dans le sharia qui est al-jaza min jins al-amal. On va le voir, inshallah. La rétribution est du type de l'action. مناسبه الحديث للباب ان في النهي والتحذير من التعلق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار. Le rapport entre le hadith et le chapitre, c'est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction et la mise en garde contre le fait de s'attacher à autre qu'Allah dans l'obtention des biens et le repoussement des maux. ما يستفاد من الحديث النهي اولا النهي عن التعلق بغير الله. L'interdiction de s'attacher à autre qu'Allah. Premier point. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, premier point, l'interdiction de s'attacher à autre qu'Allah. ثانيا وجوب التعلق بالله في جميع الامور. L'obligation de s'attacher à Allah dans toutes les affaires. ثالثا بيان مضره الشرك وسوء عاقبته. La mise en évidence de la nocivité, que c'est nocif, c'est mauvais, de l'association et de sa mauvaise conséquence, de son mauvais résultat. رابعا ان الجزاء من جنس العمل. La rétribution est du genre de l'action. C'est une règle très connue dans le din et à mémoriser là, al-jaza min al-amal, et essayer de trouver des preuves par rapport à ça, notamment celle-ci et d'autres preuves. Comme le hadith, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Eh bien, c'est quoi le jaza de cette action que tu prends une route pour la science? Eh bien, c'est qu'Allah te facilite une route vers le paradis. Ça, c'est Cheikh Al-Mas al-Abad, il dit, hadafi dalil an al-jaza min jins al-amal. Quatrièmement, an al-jaza min jins al-amal, ça on a déjà dit. Cinquièmement, an natijat al-amal tarji'u ila al-amili khayran aw sharra. La conséquence de l'acte revient à celui qui l'a fait en bien ou en mal. Dernier sous-chapitre pour aujourd'hui, inshallah. Wa rawa al-imam Ahmad, yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala, wa rawa al-imam Ahmad 'an Ruwayfi' radiyallahu 'anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbir an-nasa anna man 'aqada lihyatahu wa taqallada wa tara aw istanja bi raji' dabbah aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Akhrajou Ahmed ou Abu Daoud. Et l'imam Ahmed a rapporté d'après Rouaïfi', quand il a grec, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Rouaïfi', il se peut que ta vie soit longue, hein, et que tu vives longuement. Jusqu'à ce que tu arrives au temps, où, c'est-à-dire informe donc les gens que celui qui noue ou tresse sa barbe, ou s'accroche une corde, ou se nettoie, ce qu'on appelle istinja, c'est-à-dire se nettoyer après les besoins, il se nettoie après les besoins avec le crottin de sa monture, raji'i dabbatihi, ici dans le hadith, istinjabi raji'i dabbatin, avec le crottin d'une monture, ou un os, alors Muhammad est innocent de lui. Le hadith est rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Rouaifi', Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, l'explique en disant, Rouaifi', huwa Rouaifi' ibn Thabit ibn Sakan, ibn Addi ibn Al-Harithi, min Bani Malik, min ibn Najjar, Al-Ansari, walia bi Barqata, wa Tarabulus, faftataha Ifriqiya, sana 47, wa tufiya bi Barqata, sana 56 Hijriya. Barqa, c'est une Tripoli. Barqa, c'est en Cyrénaïque. Et si je ne me trompe pas, c'est la Libye contemporaine. Hein? Tripoli, vous connaissez, Tarabulus, qui existe toujours en Libye. Alors, qu'il y a, Rouaifi', c'est Rouaifi', Bnu Thabit, Bnu Sakan, Bnu Addi, Bnu Harith, de Banu Malik, Bnu Najjar, l'Ansari. Il fut gouverneur de Barqa et Tripoli. Et il conquit l'Afrique en l'an 48 de l'Hégire. Et décéda à Barqa en l'an 56 de l'Hégire. Déjà, si, rien que de savoir la date de sa mort, tu vois quoi? Le signe de la prophétie du prophète A.S. Il a vécu longuement après la mort du prophète A.S. Le prophète A.S. il est mort en quelle année de l'Hégire? Quelle année de l'Hégire? Vous êtes sûr? Hein? Il y a des regards, c'est une question, c'est une affirmation. Une nasiha qu'on a déjà fait. Annie, comment tu peux aimer quelqu'un comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas vouloir apprendre à son sujet? C'est vrai ou non? Comment tu peux prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et ne pas le connaître? Important d'apprendre Sir al-Nabawiyya. Il y a des livres facilités, il y a des livres expliqués par les mashayikhs. Si vous allez sur miraf.net, le site où il y a beaucoup de nos mashayikhs salafis, eh bien, alhamdoulilah, il y a des dourous dans le Sirah, il y en a des dizaines. Ça, c'est juste un site, yani, parmi les sites, etc. Ou parmi les audios qu'il y a, parmi les livres qu'il y a disponibles, etc. Et parmi les explications de livres qui ont été faites, etc. Aqada lihyata, a noué sa tresse, sa barbe. Qila ma'nahu ma yaf'alunahu fil hurub min fatliha. وعقدها تكبرا وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد على وجه التأنث والتنعم وقيل المراد عقدها في الصلاة أي كفها. Anoué sa trace, pardon, tresser sa barbe, il est dit que son sens est ce que font les gens pendant les guerres, qu'ils les tressent ou les nouent par orgueil. Et il est dit que son sens est de soigner les cheveux afin qu'ils s'épaississent et se bouclent de manière à s'efféminer et à jouir de la vie. Et il est dit que son sens aussi est d'attacher la barbe pendant la prière, c'est-à-dire de l'ourler. Hein, le mot ourler, vous connaissez sûrement. Faire un ourler, il y a le verbe ourler. Taqallada watara, c'est attacher une corde. Ja'alahu qiladatan fi unuqihi ou unuqi dabbatihi min ajli l'wiqayati min al'ayn. Taqallada watara. C'est attaché une corde, c'est-à-dire qu'il en a fait une corde autour de son cou ou du cou de sa monture en guise de protection contre le mauvais œil. Istanja ay azal an-najwa wa huwa al-adra 'an al-makhraj. Istanja, ça vient de azal an-najwa, c'est-à-dire de retirer le najwu, et c'est-à-dire al-adra. Najwu, c'est l'adra, les excréments en français. C'est-à-dire de retirer les excréments du point de sortie de ces excréments. C'est ça ce qu'on appelle istinja. برجيع دابة الرجيع الروث وسمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا. Au moyen du برجيع دابة, au moyen du crottin d'une monture, Al-Raji' c'est Al-Rawth. Le crottin qui est appelé Raji' car il se retire de son état initial après qu'il ait été du fourrage. Hein, le fourrage, c'est ce que les bestiaux mangent. Le fourrage, d'accord ? Bari'un minhu. Hada wa'idun shadidun fi haqqi man fa'ala dhalik. Parce qu'à la fin du hadith, le prophète a dit Anna Muhammadan bari'un minhu. Que Muhammad est innocent de lui, c'est une grave menace à l'encontre de celui qui commet cela. Et vous savez, pour les frères qui ont fait déjà d'autres cours avec nous, que parmi les signes des kaba'ir, c'est quand le professeur Hassim dit qu'il est innocent, il s'innocente, parmi les autres signes, ou bien l'a'na, etc., la malédiction, etc. D'accord ? Vous allez voir qu'à la fin, Cheikh Al-Fawzan, il va dire que ça fait partie des kaba'ir. Le ma'na l'ijmali du hadith, yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam, anna hada sahabi sayatulu umru hatta yudrika unasan, yukhalifun hadiyahu sallallahu alayhi wa sallam fil liha, alladhi huwa tawfiruha wa ikramuha min ila al'abati biha, ala wajhin yatashabbahuna fih bil a'ajimi wa abihi ahli al-tarafi wal muyu'a, aw yukhilluna bi'aqidati al-tawhid bi'isti'mali al-wasa'il al-shirkiyya, fayalbasuna al-qala'ida aw yulbisunaha dawabbahum wa yastadfa'una biha al-mahdhur. أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الاستجمار بروث الدواب والعظام فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يبلغ الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. Le sens général du hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم informe ce compagnon qu'il va avoir un longtemps de vie, à tel point qu'il vivra assez longtemps pour rencontrer des gens qui transgressent la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la barbe, qui est de la laisser pousser et d'en prendre soin. Et ceux qui transgressent s'amusent et jouent avec leur barbe de manière par laquelle ils ressemblent aux non-arabes ou aux gens opulents et laxistes. Ou qu'ils dérangent, ils dérogent à la croyance de l'unicité en ayant recours à des moyens qui sont de l'ordre de l'association et donc mettre des colliers ou mettre des colliers à leur monture, afin de repousser ce qu'ils craignent, ou qu'ils commettent ce que leur prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit en se nettoyant après le besoin en moyen du crottin de leur monture et des os. Ce qu'il appelait ici le cheikh l'istijmar. Et vous connaissez la différence entre l'istinja ou l'istijmar. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à son compagnon de transmettre à la communauté que leur prophète sallallahu alayhi wa sallam s'innocente de ceux qui commettent une chose de ce registre. Munasabat al-hadith il-bab. أن في النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحظورات وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction d'accrocher des cordes en collier afin de repousser les choses qui sont craintes et que cela fait partie du domaine de l'association car seul Allah est capable de cela. ما يستفاد من الحديث أولا علام من أعلام النبوة فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 هجرية. Le premier point, un signe parmi les signes de la prophétie, car Rouifi'a a vécu longtemps jusqu'en l'an 56 de l'Hégire. وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه. L'obligation d'informer les gens de ce qu'ils ont été commandés de faire et de ce qui leur est interdit parmi les choses qu'il est obligatoire de mettre en pratique ou de délaisser. Troisième point, مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيل أو غير ذلك. Le caractère légiféré de prendre soin de la barbe et de la laisser pousser, et le caractère illicite de jouer, de s'amuser avec sa barbe en la rasant, ou la diminuant, ou la tressant, ou la nouant, ou autre. Quatre. تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحظور وأنه شرك. Peut-être qu'il y a des frères qui vont parler de مسألة القبض par rapport à la barbe, comme Cheikh Al-Albani rahimahou Allah, d'autres machins rapportent une divergence par rapport à le qabd, plusieurs avis, etc., comment ça doit être fait, etc. Alors que ce n'est pas un cours de fiqh, mais retourner au ce que les machins ont dit par rapport à مسألة القبض, c'est-à-dire de prendre en dessous de ce qui dépasse d'une poignée dans la barbe, comme ça, hein, d'accord. Ça, c'est une autre مسألة. Quatrième point, تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحظور وأنه شرك. Le caractère illicite de prendre les colliers, des colliers afin de repousser ce qui est craint. Et cela fait partie du domaine de l'association. خامسا, تحريم الاستنجاء بالروث والعظم. Le caractère illicite de se nettoyer après les besoins au moyen de crottins et d'eau, ni des eaux. Sixièmement et dernièrement, sixièmement, c'est que ces crimes qui ont été cités font partie des péchés majeurs, des grands péchés, al-kaba'ir. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui et on terminera bi'nillah ta'ala le dernier sous-chapitre du chapitre la fois prochaine, inshallah, et on rentrera alors dans le chapitre bi'nillah ta'ala bab man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw nahwa wa nahwihima. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والمعذرة pour la longue coupure qu'on a eu dans les cours. وجزاكم الله خيرا.